très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite et jusqu'à 14h, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La reine dit, je veux aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés. Et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Cette semaine, un pouvoir au service des autres. La reine Elisabeth de Belgique se rend sur la Riviera vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier. De la Bavière à la Belgique. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Reine et musicienne. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux. Je l'ai embrassée autant que j'ai pu. J'étais allé chercher la reine et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir. Aujourd'hui, suite de notre série consacrée à Elisabeth de Belgique, grâce aux archives de la RTBF, qui, au cours de plusieurs émissions, a évoqué le cas de la Belgique en plein 14-18, et grâce également à l'ouvrage d'Evra Raskin paru aux éditions Luc Pire. En quatrième de couverture à l'ouvrage, on peut lire « Elisabeth était attirée par tout ce qui sortait du commun. Elle s'intéressait notamment au mystère des tombeaux égyptiens, au yoga, à la philosophie indienne, à la psychanalyse, à la médecine alternative. Si l'art et la science la passionnaient, elle vénérait la musique classique et la médecine. Elisabeth était viscéralement pacifiste. Le communisme la séduisait. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnommera la grand-mère rouge, mais également la reine folle. Autre surnom qui donne le titre à ce nouvel épisode, la reine infirmière. La bataille de l'Isère commence le 18 août 1914. Les Allemands désirent s'approprier le contrôle des ports français sur la Manche afin d'empêcher l'arrivée des troupes anglaises sur le continent, ce qui suppose l'élimination de l'armée belge en Flandre occidentale. Le roi Albert met en place une force armée presque aussi importante que celle des Allemands. Il obtient le soutien d'unités françaises et anglaises. Pourtant, les Allemands gardent la supériorité. Ils possèdent plus d'artillerie, de munitions. Leur morale est excellent. Soldats comme officiers croient en une victoire rapide. Le 22 octobre, les troupes allemandes traversent l'Isère et progressent. Mauvais présage pour l'armée belge. Il faut stopper de manière urgente l'offensive allemande. On a recours à une technique ancienne, l'inondation. On part ouvrir les écluses à Nieuport, et bientôt la mer inonde toute la région. La surface inondée a 2 à 3 km de large et s'étend sur une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Les Allemands sont obligés de se retirer. L'inondation signifie la fin de la guerre de mouvement. L'armée belge s'enterre. On voit apparaître des tranchées surmontées de sacs de terre, 400 km au total. Des forts rudimentaires et des bunkers sont construits aux endroits secs. Beaucoup de ces travaux de défense sont reliés entre eux par des passerelles, protégées par des barbelés. Le système de défense belge ne s'arrête pas là. On élève diverses fortifications au sud-ouest de la région inondée. La profondeur du cordon de défense est de 10 à 20 km. Même si l'avancée des Allemands est stoppée, les deux armées ne restent pas inactives. Des offensives ont lieu régulièrement. L'avancée est toujours minime, souvent annulée. Il faudra attendre l'automne 1918 pour voir la fin de cette guerre de position. Elle se solde par la mort d'environ 20 000 soldats belges et plusieurs dizaines de milliers de blessés. les lieux de séjour de la reine. Arrivés à La Panne, Albert et Elisabeth installent leur quartier dans trois immeubles contigus. La villa Maskens, la plus proche de la frontière française, la villa Terschuren et la villa Calmin. Albert et Elisabeth vivent dans la villa Maskens. C'est la plus petite des trois. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, une salle à manger et la salle de travail du roi. Le premier étage se compose de quatre chambres, d'une salle de bain et d'un petit salon. La bataille de l'Isère fait rage. Albert craint pour la sécurité de sa femme et lui ordonne de quitter La Panne immédiatement. Elle s'exécute, accompagnée de Guylaine de Caraman-Chimay et d'un officier d'ordonnance, et arrive au château de Provins. Elle n'y séjourne qu'un court moment. Elle quitte La Panne une deuxième fois, d'août 1917 à août 1918. Le séjour à La Panne n'est pas agréable. Le logement est très petit, il ne peut héberger que peu d'invités. La cour et le personnel sont donc limités. La reine est séparée de ses enfants. De plus, La Panne n'est pas sûre car la ville côtière est régulièrement mitraillée à partir de la mer et subit des bombardements aériens. Fréquemment, on entend le grondement des canons au loin. Même si le séjour à La Panne est désagréable, Elisabeth continue ses activités autant que se peut. De fin janvier 1918 au début mars de la même année, suite à des ennuis de santé répétés, elle se voit obligée de partir en cure à Menton avec son fils Léopold, très affaibli par une grosse grippe. Comme avant-guerre, ses problèmes de santé sont dus à son imprudence, pluie, vent ou brouillard, rien ne la freine. Ses activités privées. Elisabeth reste sportive. Chaque matin, elle monte à cheval dans les dunes et les polders. Elle ne craint pas de sauter par-dessus les fossés et les haies. Dès juin 1917, elle fait à plusieurs reprises de l'avion avec son mari. Les avions sont alors encore très primitifs. Chaque vol est risqué. Elisabeth prend énormément de photos. Chaque moment mémorable est immortalisé. Elle continue à jouer régulièrement du violon, seule ou avec d'autres musiciens. Selon la dame d'honneur, Louise Carton de Viard, la reine fait également du tissage, et selon Joseph Raskin, prêtre de Cheux, elle fait de la dentelle au fuseau. Elisabeth consacrait peu de temps à ses enfants avant-guerre, c'est encore moins le cas pendant le conflit. Léopold, Charles et Marie-Josée, qui vivent en Angleterre, séjournent parfois à La Panne. Elisabeth leur rend visite et leur écrit régulièrement. La guerre ne rapproche pas Elisabeth de la foi. Elle ne s'intéresse pas aux rituels, mais elle ne néglige pas ses obligations formelles de reine catholique. Le dimanche, elle assiste à la messe dans la chapelle Notre-Dame des Pères Oblats, toute proche. À l'âge de 10 ans, Marie-Josée fait sa communion solennelle dans une chapelle en bois près du complexe scolaire de Winkem. À cette occasion, la jeune fille revient quelque temps en Grande-Bretagne. Elisabeth maintient ses fréquentations avec des protestants et des non-croyants. Elle consacre beaucoup de temps aux audiences. Comme à son habitude, elle donne la préférence à des artistes comme Eugène Isaïe, Émile Verhaeren, Émile Claus, Camille Saint-Saëns, Pierre Loti, Charles Lagrène et Henri Widmer. Isaïe s'est exilé en Grande-Bretagne avec sa famille après l'invasion allemande. Le 12 octobre 1914, il vient dans la villa royale d'Ostende où Albert et Elisabeth passent 2 jours pendant leur voyage d'Anvers à La Panne. Isaïe veut demander une faveur à la reine. 3 de ses fils sont soldats dans l'armée belge, mais il ignore s'ils vivent encore et où ils se trouvent. Élisabeth n'hésite pas à aider son professeur de musique dans ses recherches. Elle part le 9 novembre et parvient à retrouver le fils cadet d'Isaïe à Vulpen. Juin 1916, réapparition d'Isaïe sur invitation du couple royal. Isaïe est accompagné de 3 autres musiciens, son frère Théophile, bon pianiste, et de 2 violonistes. Ils donnent un concert devant la famille royale dans la villa Maskens. Ils joueront ensuite plusieurs fois pour des soldats blessés, malades. Élisabeth assiste à chacun de ces concerts. Isaïe séjourne quelques semaines à La Panne, dans une des villas royales. Élisabeth y suit à nouveau des leçons de violon. Il en profite pour plaider la cause d'un de ses fils, mis au cachot pour 2 semaines. Il sollicitera également la reine pour qu'un autre fils, de faible santé, soit engagé comme chauffeur à l'hôpital militaire, l'Océan. Le 23 juillet, le général Léopold Mélis, responsable du service de santé de l'armée, écrit à l'état-major général à la demande d'Élisabeth. Quelques jours plus tard, cette demande est acceptée. Élisabeth invite Émile Verhaeren plusieurs fois à La Panne, entre fin 14 et le 27 août 1916, jour où il trouve la mort dans un accident de train. Verhaeren est en admiration devant le couple royal. Fin novembre 1914, il écrit à Albert « Vous formez avec Sa Majesté la Reine le plus beau couple royal qui soit au monde. » Verhaeren publiera dans de nombreux quotidiens étrangers des articles très flatteurs à propos du roi et de sa femme. Il est d'ailleurs à la base de la légende qui s'est développée autour d'eux. Élisabeth a beaucoup d'estime pour Verhaeren. Elle assistera à ses funérailles à Rouen et restera en contact avec Marthe, sa veuve. La Belgique qui croyait avoir touché le fond du malheur. La Belgique qui meurt de faim et de misère dans des ténèbres qu'on n'ose pas interroger de peur de désespérer. La Belgique, la seule voix qui fut digne et capable de crier sa détresse et de la faire entendre au monde. Dans le moment où cette détresse n'a plus de bornes et dépasse tout ce que nous redoutions d'un ennemi qui nous avait pourtant appris à redouter ce qu'on n'osait même plus imaginer. Mercure de France, 1er janvier 1917. La littérature hagiographique mentionne qu'Élisabeth, à quelques exceptions près, est toujours restée en Belgique. Léopold III dit la même chose de son père. Les nombreux séjours à l'étranger des souverains ont donc été gardés secrets. Apparemment, on craignait que le grand public mette en doute leur esprit de sacrifice. Entre 1914 et 1918, Élisabeth s'est rendue au moins 10 fois en Grande-Bretagne, dont une fois en compagnie de son époux pour une visite officielle à la famille royale britannique. Elle ira également plusieurs fois à Paris. À 2 reprises, elle séjourne en Italie. Elle est allée environ 15 fois à Ardelot, une ville balnéaire française où elle occupe avec Albert une petite villa de vacances. Le couple fait encore des excursions d'un jour dans diverses villes du nord de la France et sur la côte de la Manche. Les voyages vers la Grande-Bretagne et l'Italie sont surtout motivés par la scolarité de leurs enfants et par des obligations officielles. Ce n'est pas le cas pour les déplacements à Paris et dans le nord de la France. Ces voyages durent plus longtemps que nécessaire pour saluer les enfants ou pour remplir les tâches officielles. Il est clair que la reine en profite pour rencontrer de vieilles connaissances ou pour faire des visites touristiques. Léopold, Charles et Marie-Josée, ses enfants. En septembre 1914, Élisabeth conduit ses 3 enfants au château Acouaud, résidence de Lord Curzon. La guerre n'empêche pas les enfants de venir à la panne pour des vacances scolaires. La traversée de la Manche se fait toujours sur un bateau de guerre que l'armée britannique met à leur disposition. Ils reçoivent souvent la visite de leur mère. Léopold est un garçon sérieux, calme, réservé. D'après sa sœur, il est têtu, conscient de son statut. La princesse témoigne. Il nous montrait sans cesse qu'il était le plus âgé et qu'il deviendrait roi. Quand Léopold arrive à Eton, il a un retard important sur ses condisciples. Sur son bulletin scolaire du 30 mars 1917, on peut lire qu'il est presque nul en mathématiques. Ses résultats scolaires s'amélioreront lentement, surtout en latin. Il est bon en français, puisque francophone, mais faible en sciences physiques. Fin décembre 1914, Léopold revient au pays pour une formation militaire. Début avril de l'année suivante, il s'engage dans le 12e régiment de ligne. Quelques mois plus tard, il retourne à Eton et y restera jusqu'en 1919. Pourquoi Elisabeth et Albert estiment-ils une formation militaire nécessaire à leur fils qui n'a que 13 ans? Un journal clandestin de l'époque raconte que Léopold a supplié ses parents d'entrer dans l'armée et que ceux-ci ont cédé à sa demande. Cette information, ainsi que d'autres, font partie de la campagne de propagande autour de la famille royale. On veut rassembler autour d'elle l'armée belge et la population dans leur résistance contre les Allemands. Aucune source ne mentionne la participation du prince à la moindre action de combat. L'avenir d'une princesse. Marie-Josée reste jusqu'en février 1917 au pensionnat catholique de Brentwood. Elle va ensuite à l'Institut Santissima Annunziata di Poggio Imperiale à Florence, une école élitiste pour filles. On l'y envoie pour assurer sa sécurité. Mais on veut également la préparer à un mariage. Un mariage avec Umberto, le prince héritier d'Italie. Elisabeth et Miss Hammersley lui répètent depuis son enfance qu'elle sera un jour reine d'Italie. Ce n'est pas un conte de fées. Albert et Elisabeth envisagent depuis longtemps un époux approprié pour leur fille. C'est le cas d'Umberto. Issu d'une vieille famille, il sera un jour roi d'un grand et prestigieux pays. Un mariage avec Umberto exige que Marie-Josée maîtrise l'italien et se familiarise avec la culture et le style de vie du pays. Le séjour dans un pensionnat italien doit y contribuer. Le couple royal italien est favorable à ce mariage. De part et d'autre, ce mariage est une affaire politique où les sentiments des futurs époux ne sont pas pris en considération. En séjour à La Panne à l'automne 1918, Marie-Josée est impliquée dans la propagande de guerre. Habillée en infirmière, elle visite des hôpitaux militaires et distribue des friandises et du tabac en compagnie de sa mère. Une seule fois, elle donne des soins aux patients. Elle a 12 ans et n'a suivi aucune formation d'infirmière. Comme son frère Léopold, la princesse est montrée en exemple à l'armée et à la population afin de remonter le moral de tous. Les relations entre Elisabeth et Albert. Pendant la guerre, les relations entre Elisabeth et son mari n'ont pas radicalement changé. Elle est libre, Albert lui laisse autant d'espace de liberté que possible. La reine continue à prêter peu d'attention au conseil du roi sur sa santé, pas plus qu'elle ne tient compte du désir d'Albert qu'elle organise son travail de façon à ne pas être tout le temps en retard. Son comportement est avant tout indépendant. Le caractère optimiste de la reine a une influence positive sur son époux, souvent découragé. Rapport du major Émile Gallet, conseiller militaire. La reine exerce sur le roi une influence des plus heureuses, surtout aux mauvais jours. Elle ne perd jamais ni la confiance, ni la bonne humeur. Elle trouve toujours les paroles d'encouragement qui parviennent à réconforter. L'océan, hôpital de la Croix-Rouge. Dès le début de la guerre, Elisabeth se rend dans les hôpitaux de Bruxelles et d'Anvers où sont soignés des soldats malades et blessés. elle continuera à le faire à La Panne. Celui qu'elle fréquente le plus est l'Océan, hôpital de la Croix-Rouge à La Panne, qu'a fondé le docteur Antoine Depage. Il est installé dans un hôtel désert sur la digue, ce qui explique son nom. Comme il devient vite trop petit, on est obligé d'y ajouter 40 constructions. Il sera en charge de plus de la moitié des soins aux blessés en première ligne. Cet hôtel de l'Océan était un vieil hôtel où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de chauffage central. Il fallait donc tout mettre en ordre. Il fallait y faire des salles d'opération tout de suite. C'est alors que la reine a eu l'idée de faire appel au major Gordon. Et c'est le major Gordon avec le baron Goffinet qui a alors créé en Angleterre un centre, puis-je dire, pour tâcher d'avoir de l'argent pour la Croix-Rouge belge. Et très rapidement, ils sont arrivés à avoir près de 100 000 livres qui ont permis donc la construction du grand hôpital de l'Océan. Ils ont fait appel à la famille, à tout au moins au magasin Harrods, qui était très connu, et qui est venu tout de suite installer le chauffage central, préparer les salles d'opération et tout. De sorte que cet hôpital dont la construction a commencé fin novembre était prêt. C'est donc dès le 21 décembre que l'hôpital a été ouvert. L'hôpital est relativement proche du front, ce qui est en contradiction avec les règles militaires. De plus, les hôpitaux doivent être mobiles pour éviter que ne tombent aux mains de l'ennemi les équipements et le personnel médical en cas de déplacement du front. Comment expliquer que cet hôpital irrégulier a été installé à cet endroit? Antoine Depage est chirurgien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, membre de la loge et ami du couple royal. En 1912-1913, il a séjourné comme volontaire de la Croix-Rouge internationale dans les Balkans, où la guerre faisait rage. Il y a acquis une grande expérience dans le domaine de la chirurgie de guerre. C'est là qu'il a également acquis la conviction que les hôpitaux militaires, à vocation chirurgicale, doivent être proches du front. Pour sauver des vies, il faut des interventions chirurgicales rapides. Extrait de « Infirmière de guerre en service commandé » de Jeanne Delaunoy. 26 au 27 juin. 36 entrants dans la journée. Ce soir, une ovation au gros Thiriard, qui, un peu pâle, entre dans la salle à manger, un bras passé dans son dolmen. Il vient de donner du sang pour sauver un Anglais, et les infirmières anglaises applaudissent. Ces transfusions sont extrêmement intéressantes. On utilise plusieurs méthodes, dont une paraît être la meilleure. On emploie 10 ou 12 seringues, dont aucune ne sert deux fois. Le sang est pris directement et donné de l'un à l'autre. Il est passionnant, quand cela réussit, de constater que le pouls remonte et que la vie revient. Encore des transfusions de sang ces temps-ci, et encore un donneur. Edmond, le brancardier qui sert à la salle à manger, qui sauve un Anglais dont la cuisse est broyée et qui rentre exsangue. Arthur aussi. D'autres donneurs suivent. C'est magnifique et impressionnant de voir la pression sanguine, nulle au début, remonter lentement. Mon Anglais est sauvé, dit Edmond très fier. Curieux de constater que tous les donneurs emploient le possessif pour le malade qu'ils sauvent et s'inquiète de lui après avec un sentiment voisin de l'amour maternel. Ceci est neuf dans la psychologie masculine, dirait-on. Nous, les infirmières, on ne veut pas de notre sang. Plusieurs l'ont offert. Dommage. Archives de la RTBF. Quand un soldat était blessé au fond de l'Isère, il était soigné par les médecins du régiment au bord de l'Isère ou dans les premières lignes, et puis évacué par brancard et par ambulance, automobile, jusqu'où les ambulances pouvaient se rendre, c'est-à-dire à environ 2 kilomètres du front même, évacué aussi dans des limousines qui avait été réquisitionné comme ambulance supplémentaire. Il était amené alors à une section d'hospitalisation dont je viens de vous parler, qui se trouvait environ à 10 km du front, où l'action effective que les médecins pouvaient avoir était, disons-le, à peu près nulle. Et de là, il était évacué vers l'arrière, surtout s'il s'agissait d'un cas sérieux. Mais il faut bien dire qu'étant donné l'encombrement des voies de chemin de fer, de l'unique voie de chemin de fer qui réunissait Furnes à Dunkerque et à Calais, il fallait en moyenne 3 jours pour qu'un blessé arrivât à son lieu d'hospitalisation définitif. Et entre-temps, beaucoup de blessés mouraient, j'imagine. Beaucoup de blessés sont morts, et d'hémorragie, et surtout d'infection à l'époque. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Elle allait tout près, n'est-ce pas, de ligne, et elle allait voir. Et je me rappelle qu'un jour, notamment, il y avait eu une attaque allemande la nuit. Et la reine, j'étais allé chercher la reine, et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir au front à Nieuport. Or, à Nieuport, le docteur Depage avait envoyé le docteur Neumann parce que la mortalité des blessés du ventre était extrêmement lourde. Cette blessée atteignait de 80 à 85%. Et le docteur Depage, tout de suite, s'était rendu compte que la cause était due au mauvais état, au mauvais transport de ces blessés, sur des routes épouvantables, sur ces routes des Flandres, en pavé, mais qui étaient bombardées tous les jours, qui étaient donc en très très mauvais état. Et alors, même les meilleures ambulances transportaient ces blessés dans des conditions épouvantables. C'est pour ça que Depage avait dit, je vais envoyer le docteur Neumann dans les caves d'une brasserie pour aller soigner ces grands blessés. La mortalité tout de suite diminuée d'ailleurs, de 80 à 85% à 45%, ce qui est un résultat magnifique pour ces grands blessés. Eh bien, donc, après une petite bataille la nuit, la reine dit, je vais aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Elle a tout simplement pris, nous avons pris une ambulance à l'océan, l'ambulance de l'océan, une de ces ambulances d'alors, vous savez, qui était fermée avec des bâches par où s'engouffrait le vent, la poussière, et on partait sur sa mauvaise route, et la reine, ça l'amusait, elle riait d'être comme ça chahutée sur ses routes épouvantables. Elisabeth s'investit également en faveur de la population civile. Elle entretient de très bonnes relations avec la maternité de Rosbrugg-Haring et s'inquiète du sort des réfugiés belges en Grande-Bretagne. Elle tente de faire libérer des prisonniers aux mains des Allemands par l'intermédiaire du roi d'Espagne, Alphonse XIII. Sur le plan de la bienfaisance, elle s'occupe de la distribution de lait, de vêtements et autres produits de première nécessité. La souveraine n'oublie pas les enfants de la région du front. En collaboration avec le médecin suisse Henri-Auguste Winmer et de son épouse, Marie Curta, elle crée l'œuvre d'hospitalisation des réfugiés belges. Cette association place des enfants belges chez des particuliers, en Suisse. L'initiative sera bénéfique pour la santé de centaines d'enfants. Demain, au micro d'Histoire vivante, nous recevrons la réalisatrice Séverine Cornamusa pour son documentaire 14-18 « Des enfants belges » en Suisse. Documentaire à voir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Et la voix de Sylvie Nickbart et Jean-Marie Châtaignier. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.